Section 6 Chapitre 16, 17, 18 Chapitre 16 Emel et Pennor. On dit que parfois, quand le vent du nord-ouest laboure profondément les eaux de la baie, on dit que l'œil du matelot découvre d'étranges mystères entre les deux monts et les îles de Chauzet. Ce sont des villages entiers, ensevelis sous les flots, des villages avec leurs chaumières et le clocher de leur église. Des villages dont les noms sont Bourgneuf, Thomen, Saint-Étienne-en-Paluel, Saint-Louis, Mauny, Épignac, Lafayette et d'autres encore. Des villages noyés dont les cadavres pâles gisent dans le sable avec les débris des naufrages et les grands troncs de la forêt de Sissi. L'océan a mis des siècles dans sa lutte sans pardon contre la pauvre terre de Bretagne. L'océan vainqueur dort maintenant sur le champ de bataille. Et ce n'est pas la tradition seulement qui a conservé souvenir de ces mortels combats. Les chartriers des familles et des monastères, les archives des villes, les cartons poudreux des gardes-notes renferment une foule de titres authentiques constatant des droits de propriété sur ces domaines défunts, sur ces moissons submergées. Tel pauvre homme court les chemins avec son bâton et sa besace, qui possède sous ses grands lacs un apanage de princes. Des châteaux, des prairies, des futaies, de gais moulins qui caquetaient sur le bord des rivières, des cabanes paisibles dont la fumée lointaine pressait le pas fatigué du voyageur. Les navires passent maintenant, toutes voiles déployées, à 100 pieds au-dessus des demeures hospitalières. La mer a étendu sur le manoir et sur la chaumière, sur le chêne et sur le roseau, son niveau terrible qui est la mort. Sombre et prophétique image qui dit à l'homme titan le néant de ses hardiesses, immense raillerie des railleries du siècle, montrant le linceul comme unique et dernière expression de l'égalité rêvée. Tout le long de nos côtes, depuis Granville jusqu'au Cap Fréhel, derrière Saint-Malo, la mer conquérante a porté ses sables stériles sur l'opulence féconde des guérets. Çà et là, un rocher reste debout, dressant sa tête noire au-dessus des vagues et gardant son ancien nom de fief, de château, de village, car la terre a ses ossements comme nous, et la montagne décédée laisse après soi un squelette de pierre. Les Malouins jettent leurs filets de pêche sur les belles prairies de ces ambres, et ce lieu austère où Chateaubriand a voulu son tombeau, le Grand Bé, était autrefois le centre d'un jardin magnifique. Nul ne saurait dire exactement le temps que la mer a mis à couvrir ces contrées. La lutte était commencée avant l'ère chrétienne. On sait que les bocages druidiques s'étendaient à 8 ou 10 lieues en avant de nos côtes. Plus tard, la forêt de Sissi planta ses derniers chênes sur les falaises de Chauzet. En ce temps-là, le Couesnon était un grand fleuve que Ptolémée et Ammien Marcellin confondaient en vérité avec la Seine. Ce Couesnon marneux, ce Couesnon grisâtre, cette rivière folle qui s'égare dans les grèves comme une coquetière ivre, c'était un fleuve fier, suzerain de la Célune et suzerain de la Cé qui lui apportaient le tribut de leurs eaux. Son embouchure était au-delà des montagnes de Chauzet qui forment maintenant un archipel. Il passait alors à droite du mont Saint-Michel, longeant les côtes actuelles de la Manche. Ce fut bien longtemps après qu'il fit sa première folie, sautant de l'est à l'ouest, enlevant le mont à la Bretagne pour le donner à la Normandie. Li Couesnon a fait folie, si est le mont en Normandie. Aimez-vous les légendes? Pennor, fille de Bude, était la femme d'Amel, le pasteur des troupeaux d'Anan. Anan était seigneur et comte dans le Chézé, au-delà du mont Tomblaine. Il avait son château au milieu de 7 villages qui lui payaient l'ost quand il mettait ses hommes d'armes en campagne. L'un de ces villages avait nom Saint-Vinol. Amel et Pennor y faisaient leur demeure. Pennor avait 18 ans. Amel atteignait sa 25e année. Amel était grand, souple et robuste. Un hiver, que le loup rayé de Chézé était sorti de la forêt pour trouver sa pâture en plaine, Amel se coucha dans la plaine pour attendre le loup. Ces loups rayés sont plus grands que des poulains de 6 mois. Ils tuent les chevaux et boivent le sang des bœufs endormis. Ces loups rayés ne fuient pas devant l'homme. La pointe des flèches ne sait pas entamer leur cuir. Si on les frappe avec les pieux se brisent dans la main. Hamel saisit le loup rayé entre ses bras nerveux et l'étouffa. Mais avant de partir pour attendre le loup, Hamel avait suspendu dans l'église du village, sous la niche où souriait la bonne Vierge, une quenouille de fin lin, arrondie par les belles mains de Pénor. Hamel et Pénor n'avaient point d'enfants. Quand Hamel gardait les troupeaux et que Pénor restait seule dans la chaumière, elle était bien triste. Elle se disait « Si j'avais un beau petit chérubin sur mes genoux, le portrait vivant de son père, j'attendrais gaiement le retour d'Hamel. » Et de son côté, Hamel pensait « Si Pénor, ma bien-aimée, me donnait un cher petit, son vivant portrait, comme je rentrerais heureux à la maison. »« Pénor, ma chère femme, dit-il un jour, tisse un voile à Sainte Marie, Mère de Dieu, et nous aurons peut-être un petit enfant. » Pénor tissa un voile à Sainte Marie, Mère de Dieu, un voile blanc comme la neige et plus transparent que la brume légère des soirées d'août. La Mère de Dieu fut contente. Hamel et Pénor eurent un petit enfant. Ils s'aimèrent davantage auprès de son berceau. Quand l'enfant eut 9 jours et que Pénor fut relevé, Hamel prit le berceau dans ses bras pour porter l'enfant au baptême. Le baptême reçu, Pénor souleva le berceau à son tour. Elle fit le tour de l'église et gagna l'autel de la Vierge. « Marie, ô Sainte Marie, dit-elle agenouillée, l'enfant que tu nous as donné, je te le rends, qu'il soit à toi et qu'il grandisse, voué à la couleur divine. Regardez-le, Sainte Marie, il s'appelle Raoul, comme le père de son père. Regarde-le, afin que tu le reconnaisses au jour du péril. » Hamel répondit, « Ainsi soit-il. » La couleur de Marie est le bleu du ciel. L'enfant Raoul grandit sous cette pieuse livrée. Il était beau, il avait les blonds cheveux de sa mère et l'œil noir d'Hamel, le vaillant pasteur, son père. On ne sait si ce fut à cause des péchés des gens de Saint-Vinol ou à cause des péchés de toutes les paroisses de la côte. Une nuit, nuit de grand malheur, l'eau du Couesnon s'enfla comme le lait bouillant qui franchit les bords du vase. Le vent soufflait du nord-ouest, la pluie tombait, la terre tremblait, la plaine était couverte d'eau. Quand vint le matin, on vit que le Couesnon débordait, c'était la mer qui avait rompu les barrières posées par la main de Dieu. Elle arrivait, sombre, houleuse, charriant des arbres déracinés et des cadavres de bestiaux. L'église de Saint-Vinol était située sur une hauteur, les gens du bourg s'y réfugièrent. Hamel et Pénor, qui avaient emmené leur enfant, restèrent à la porte, parce qu'il n'y avait plus de place dans la nef. L'eau montait, montait. Hamel prit sa femme dans ses bras. Ils avaient de l'eau jusqu'à la ceinture et les dit « Adieu, ma chère femme, soutiens-toi sur moi. Peut-être que l'eau s'arrêtera enfin. Si je meurs et que tu sois sauvée, ce sera bien. » Pénor obéit. L'eau montait. Quand l'eau toucha sa ceinture, Pénor éleva le petit Raoul, disant « Adieu, mon enfant chéri, soutiens-toi sur moi. Peut-être que l'eau s'arrêtera enfin. Si je meurs et que tu sois sauvé, ce sera bien. » L'enfant fit ce que lui disait sa mère. L'eau montait, toujours, toujours. Bientôt, il ne resta plus au-dessus des vagues courroucées que la tête blonde du petit Raoul et un pan de sa robe bleue qui flottait. Or, la Vierge de l'église de Saint-Vinol quittait en ce moment sa niche submergée, afin de s'en retourner au ciel. Elle emportait toutes ses offrandes dans ses mains. En passant au-dessus du cimetière, elle aperçut la tête blonde du petit Raoul et le pan de sa robe bleue. La Vierge arrêta son vol et dit « Cet enfant est à moi, je veux l'emporter à Dieu. » Elle le prit par ses blonds cheveux. L'enfant était lourd, bien lourd, pour un si petit corps. La Sainte Vierge fut obligée de lâcher ses offrandes une à une et d'y mettre ses 2 mains. Quand elle eut lâché ses offrandes, le lin, les fleurs et les fruits mûrs, elle put soulever l'enfant. Elle vit bien alors pourquoi le petit Raoul était si lourd. Sa mère le tenait de ses doigts mourants et crispés. De ses doigts crispés et mourants, le père tenait la mère. Oh, le saint amour des familles ! La Vierge sourit, elle dit « Ils s'aimaient bien. Elle emporta le père avec la mère avec l'enfant, 3 âmes heureuses dans l'éternité de Dieu. » On raconte cette histoire aux veillées entre Saint-Georges et Chéruex. Le mont Tomblaine est plus large et moins haut que le mont Saint-Michel, son illustre voisin. À l'époque où se passe notre histoire, les troupes de François de Bretagne avaient réussi à déloger les Anglais des fortifications qui tinrent si longtemps le mont Saint-Michel en échec. Ces fortifications étaient en partie rasées. Il n'y avait plus personne à Tomblaine. Sur la question de savoir si ce mont doit son nom à Jupiter ou à la douce victime du géant venu d'Espagne, Hélène, la nièce de Hoël, les opinions sont diverses. Le roman de Brut, père de tous les poèmes chevaleresques, assigne au mont Tomblaine cette dernière étymologie. C'est parce qu'Artus trouva là un tombeau de la nièce de Hoël, déshonorée et immolée par le perfide géant espagnol, que le mont s'appela Tomblaine, Tumba, Hélénae. D'elle tombe, ou sicor fumi, à tombe Hélène, ses noms pris. Les historiens et les antiquaires prétendent par contre que Tomblaine vient de Tumba Belleni. Il faut laisser aux antiquaires et aux historiens le plaisir de développer leurs thèses respectives. Ce qui est certain, c'est que Tomblaine a sa chronique comme le mont Saint-Michel. Seulement sa chronique est plus vieille. Tomblaine se mourait déjà quand Saint-Aubert vint fonder la gloire du mont Saint-Michel. C'était sur le rocher de Tomblaine, parmi les ruines des fortifications anglaises, que M. Hugh de Morvert avait trouvé un asile, après la citation au tribunal de Dieu donnée en la basilique du monastère. On ne sut jamais comment Hugh de Morvert s'était procuré l'habit monacal, on ne sut pas davantage comment il avait obtenu l'entrée du cœur au moment de l'absoute. Enfin, on s'expliqua difficilement comment il avait pu disparaître devant tant de regards ouverts, gagner l'escalier des galeries et fuir par cette voie si périlleuse. Il avait fui, voilà ce qui n'était pas douteux. Le procureur de l'abbé, le prieur des moines et toutes les autorités du monastère s'étaient mis à la disposition du prince breton pour retrouver le fugitif. Méloire avait fouillé le jour même tous les recoins des bâtiments claustraux, toutes les maisons de la ville, tous les trous du roc, peine inutile. L'aventure devait finir mystérieusement comme elle avait commencé. Il faut pourtant dire que si Méloire avait encore mieux cherché, il ne fut point revenu les mains vides auprès de son seigneur, car M. Hugh n'était rien moins qu'un esprit follet. À l'éperon occidental du mont, il y avait une petite chapelle, restaurée depuis, et qui est placée aujourd'hui comme elle l'était alors sous l'invocation de Saint-Aubert. Cette chapelle est complètement isolée. Hugh de Morvert s'y était caché, derrière l'autel. Quand la nuit fut venue, il traversa le bras de grève mouillé qui sépare les deux monts et gagna Tomblaine. Chapitre 17. La fin. C'était l'intérieur d'une tour désemparée, formant l'extrême corne des ouvrages anglais à Tomblaine, du côté opposé au mont Saint-Michel. Il n'y avait plus de couverture. Les rayons de la lune frappaient obliquement le haut des murailles et ne pouvaient descendre jusqu'au sol encaissé que leurs reflets éclairaient néanmoins de lueurs confuses et douteuses. Sur le sol, il y avait une pierre couverte avec de l'herbe arrachée au maigre pâturage de Tomblaine. Sur la pierre, un vieillard de haute taille était assis et dormait, sa grande épée entre les jambes. Devant lui, deux meurtrières écorchées par les balles et les traits de toutes sortes s'ouvraient. L'une commandait la grève, l'autre voyait le mont Saint-Michel. Le vieillard, qui était M. Hugh de Morvert, chevalier seigneur du Rose, de l'Aumône et de Saint-Jean-des-Grèves, s'était adossé à la muraille même de la tour. Il avait la tête nue et les reflets qui tombaient d'en haut mettaient des teintes argentées dans les masses de ses cheveux blancs. Sa longue barbe, blanche aussi, descendait sur sa poitrine. Il dormait tout droit et semblait un bloc de pierre tombé de la voûte, mais tombé debout. Ou mieux encore, dans ces ténèbres vaguement éclairées, vous auriez cru voir la statue d'un chevalier taillée dans le granit noir et dont les contours supérieurs sortaient blanchis par la neige. C'était cette même nuit où nous avons suivi la course de la fée des grèves depuis le manoir de Saint-Jean jusqu'à la prison d'Aubry de Kergariou sous les fondements du monastère. Le ciel était pur, et c'est à peine si un souffle d'air ridait la mer à son reflux. On n'entendait aucun bruit sinon le flot murmurant sur le sable du rivage. Le sommeil du vieillard était tranquille. Les heures de nuit passaient. Bientôt les reflets de la lune tournèrent et pâlirent. Le crépuscule du matin envoya ces lueurs livides qui creusent les joues et enfoncent l'œil dans l'ombre des orbites agrandies. La figure du vieillard s'éclaira peu à peu. Elle était belle, noble, austère, mais il y avait de la souffrance dans ses lignes fouillées profondément. Les traits étaient durs à force de maigreur, l'ombre des rides s'accusait profonde. M. U. de Morvert était âgé de 60 ans. 4 ans auparavant, Gilles de Bretagne, son seigneur, l'avait exilé de sa présence pour conseils inopportuns et remontrances trop sévères, car M. U. avait essayé maintes fois d'arrêter le jeune et malheureux prince sur cette pente de débauches et d'intrigues politiques qui devait servir de prétexte à son frère. L'arrestation de Gilles de Bretagne fut en effet bien regardée d'abord par le peuple. M. U., dès qu'il sut le prince enfermé, revint à lui sans ordre. Il lui servit d'écuyer dans les diverses prisons où la haine de François poursuivit le malheureux jeune homme et ne le quitta que contraint par la force au moment où Gilles franchissait le seuil funeste du château de la Hardouinet. U de Morvert était un breton de la vieille souche, dur et fidèle comme l'acier. Dans cette retraite qu'il s'était choisie pour fuir la vengeance de François, il n'y avait rien, ni meubles, ni vivres. Une cruche sans eau et une croix qu'il avait fabriquée lui-même avec 2 morceaux de bois, voilà quelles étaient ses richesses. Au moment où le crépuscule du matin commençait à dessiner les objets au dehors, U de Morvert se réveilla en sursaut et serra son épée. Son regard interrogea l'entrée de la tour qui était barricadée à l'aide de quelques planches, et il fit un pas en avant, l'épée haute, comme pour repousser des assaillants invisibles. Un rêve lui avait montré sans doute sa retraite attaquée. Le silence profond qui régnait sur le mont Tombelaine mit bien vite fin à son erreur. Son épée retomba. « Ce n'est pas encore pour cette nuit, » murmura-t-il. Cela fut dit sans regret, assurément, mais aussi sans joie, sur le ton de l'indifférence la plus parfaite. Il étira ses membres fatigués et engourdis par la pose qu'il avait gardée dans son sommeil, puis il s'agenouilla devant la croix de bois et dit ses oraisons. Parmi ses oraisons, il y en avait une qui était ainsi. « Mon Dieu, pardonnez-moi de m'être élevé contre mon seigneur légitime, le duc François de Bretagne. Donnez à mon dit seigneur le repentir, qu'il aille en votre miséricorde à l'heure de sa mort. » Longtemps après qu'il eut achevé ses prières prononcées à haute voix, il resta sur ses genoux, la tête inclinée, un murmure aux lèvres. Dans ce murmure revenait souvent le nom de Reine. Reine, sa fille, son amour unique, son espoir chéri. U de Morvert se leva enfin. Le jour avait grandi, mais la brume matinière enveloppait le mont Saint-Michel. U pouvait sortir comme s'il eût fait nuit noire. Il jeta de côté les planches qui barricadaient la brèche de sa tour et mit le pied dehors. La mer baissait avec lenteur. Il y avait encore un large et rapide courant entre le mont et Tombelaine. La brume, qui était légère, laissait voir le flot bleuâtre à 100 pas de distance. U de Morvert marcha vers la rive. « Elle n'est pas venue hier, pensait-il, ni avant-hier non plus, mon Dieu, lui serait-il arrivé malheur ?» Disant cela, sa main se porta involontairement vers sa poitrine, qu'il pressa. Ce geste n'appartenait pas à son inquiétude de père. C'était une souffrance physique qui le lui arrachait. Il avait faim. Ses provisions étaient épuisées depuis l'avant-veille. Reine devait le savoir et Reine ne venait pas. Reine, qui était la fille courageuse et dévouée. Il ne sentit pas longtemps ce mal de la faim qui brise les plus forts, car son cœur saigna tout de suite à la pensée de sa fille. Et la douleur morale tue bientôt la douleur physique. Mais cette absence de Reine pouvait être expliquée. Depuis 2 nuits, la mer se trouvait haute, à l'heure où la jeune fille traversait d'ordinaire l'espace qui sépare les 2 monts. Peut-être attendait-elle, cachée quelque part dans les rochers du mont Saint-Michel. U de Morvert allait lentement, suivant le cours de l'eau. À mesure que la raison lui donnait des motifs de penser qu'aucun malheur n'était tombé sur Reine, la faim parlait de nouveau et plus fort. Ce n'était pas un gourmet que ce chevalier austère. Et pourtant des rêves sensuels voltigeaient en ce moment autour de son cerveau fatigué. « Qui de vous a eu faim ? J'entends la faim qui tord les muscles de la poitrine et fait monter à la tête le délire furieux. La faim qui est à votre faim quotidienne, ce que la mort est au sommeil, ce que le grill des martyrs est au foyer qui chauffe doucement la semelle de vos souliers. La faim, le grand supplice. Vous n'avez jamais eu faim? Tant mieux, que Dieu vous en préserve. Celui qui écrit ces pages a eu faim. Il sait quelques-unes des phases de cette lente et terrible agonie. Il est un moment bizarre où la faim raille et joue. On est encore bien loin de la mort. On souffre, mais la force n'est presque pas entamée. Les jambes restent fermes, et c'est à peine si quelques éblouissements courent au-devant des yeux. On a des rêves, tout éveillé. Entre quatre murs, le phénomène du mirage se produit. Le vide se meuble. Tout ce qui se mange vient se ranger sur la pauvre table nue. L'étalage d'un marchand de victuailles n'est rien auprès du magnifique buffet que sait vous dresser la faim. Hugh de Morvert en était là. Il ne demandait qu'un morceau de pain, et la faim généreuse lui prodiguait un festin de Rouen. Oh, les riches pièces de venaison fumante, les jambons, les langues de bœuf, le faisan qui garde son noble plumage, les pâtés dressant sur le lin blanc leur fantasque architecture, et les épices et les pyramides de fruits, la poire dorée, la pêche de velours, le raisin transparent et blond, et le vin vermeil qui brille dans l'or ciselé des grandes coupes. Monsieur Hugh voyait toutes ces belles choses en marchant le long de la grève. Un morceau de pain. Au manoir de l'Aumône, un beau nom pour la maison d'un gentilhomme, la table était loin d'être somptueuse, mais il y avait simple et noble abondance. La dernière fois que Monsieur Hugh avait soupé au manoir de l'Aumône, on mit sur la table un certain haut côté de sanglier, large, dodu, énorme. Monsieur Hugh s'en souvenait de ce généreux plat. Il le voyait, il avait l'eau à sa bouche. Un morceau de pain, un morceau de pain. Ce fut comme un miracle. Au moment où Monsieur Hugh se retournait pour regagner sa retraite, car il lui semblait que le voile protecteur de la brume allait s'éclaircir, au moment où, répondant à la fois à son anxiété de père et aux cris de son estomac en révolte, il murmurait « Ce soir, elle viendra !» La manne lui apparut. Elle ne tombait point du ciel, la manne, elle glissait sur la mer. C'était un panier, un joli petit panier, tressé délicatement, d'où sortait le bout d'un pain de froment. Cette fois, point d'illusion, c'était bien un pain, un bon gros pain, comme on les fait du côté de Saint-Jean. Le panier allait, entraîné par le reflux. Monsieur Hugh se mit vraiment à courir comme un jouvenceau. En approchant, il put voir que le bon pain était en compagnie. Le panier contenait en outre un flacon de vin et deux volailles d'un aspect enchanteur. Monsieur Hugh mit ses pieds dans l'eau et se disposa à saisir le bienheureux panier au passage avec la croix de son épée. Mais ses doigts se détendirent tout à coup, son épée lui échappa. Il devint plus pâle qu'un mort et poussa un cri de détresse. Il avait reconnu le panier de Rennes. Rennes ! Sans doute elle avait essayé de traverser le bras de mer à la nage. Elle savait que son père l'attendait. Rennes ! Oh, Rennes ! Le vieillard mit ses deux mains sur son visage et des larmes coulèrent entre ses doigts tremblants. Pendant cela, le petit panier mignon allait à la dérive, emportant le pain, le flacon et le reste. Monsieur Hugh avait manqué l'occasion. Maintenant, lors même qu'il l'eût voulu, il n'aurait pu se saisir du panier, qui commençait à s'alourdir et qui allait bientôt sombrer avec sa précieuse cargaison. Mais Monsieur Hugh songeait bien à cela. Sa fille, sa pauvre belle reine, son cœur se déchirait. Il craignait, en levant les yeux, de voir un lambeau de robe, un voile, un débris, quelque chose d'horrible. La brume s'était complètement éclaircie. Monsieur Hugh prit son grand courage et regarda devant lui. Devant lui, l'eau coulait paisiblement, découvrant de plus en plus la grève. Au loin, le mont Saint-Michel sortait du brouillard, majestueux et fier, avec sa couronne d'édifices hardis. Entre lui et le mont, dans un rayon de soleil, une jeune fille courait, gracieuse comme une sylphide. « Reine, reine !» La sylphide se retourna et lança un baiser à travers le bras de mer. Le vieux Morvert leva au ciel ses yeux mouillés et remercia Dieu. C'était bien Reine qui courait là-bas, en s'éloignant de lui, et c'était bien le panier de Reine que le vieux Morvert avait été sur le point de saisir avec la croix de son épée. Reine, après avoir échappé aux deux décharges de la sentinelle qui veillait sur la plateforme du couvent, s'était perdue dans les rochers qui descendent à la mer du côté de la chapelle Saint-Aubert. Elle avait attendu là quelque temps, puis, voyant venir les premières lueurs de l'aube, elle avait tourné le mont pour se rapprocher de Tomblaine. Le reflux n'avait pas encore débarrassé le bras de grève qui est entre les deux rochers. Reine se trouva en face d'une sorte de fleuve au courant rapide. Le jour approchait. Elle voulut profiter de la brume et se mit vaillamment à la nage. Mais le courant la prit dès les premières brasses. Elle fut obligée de lâcher son panier et de rebrousser chemin. C'était 24 heures d'attente pour le vieillard qui souffrait. Reine le savait. Elle avait le cœur bien gros, la pauvre fille, en traversant la grève. Mais, outre que le reflux avait emporté ses provisions, elle ne pouvait aller à Tomblaine en plein jour sans trahir le secret de la retraite de son père. La route qui lui restait à faire pour regagner le village de Saint-Jean était longue, car elle ne pouvait traverser la grève bretonne à cause de la présence des soldats de Meloire. Il lui fallait rester en Normandie jusqu'à la terre ferme, où les haies pourraient alors protéger sa marche. Elle était lasse et presque découragée. Si le petit Jeannin ne lui eût point pris l'escarcelle de Meloire, elle aurait attendu la nuit de l'autre côté d'Avranches, au bourg de Genet ou ailleurs. Elle aurait acheté des provisions et profité du bas de l'eau vers le commencement de la nuit pour passer à Tomblaine. Mais elle n'avait rien. Elle avait tout donné, pressée qu'elle était de s'enfuir. Le seul moyen qu'elle eût désormais de se procurer des vivres, c'était de rôder la nuit prochaine autour des maisons de Saint-Jean et de prendre au seuil des portes closes les offrandes déposées pour la fée des grèves. Le jour, il fallait qu'elle errât dans la campagne de Normandie. Il n'était pas encore midi lorsqu'elle arriva au bourg d'Ardevon, à une demi-lieue de la rive normande du Couesnon. Elle s'enfonça dans les guérets et le sommeil la prit, accablée de fatigue, au milieu d'un champ de froment. Elle ne fit pas comme le petit Jeannin qui dormit 12 heures ce jour-là dans sa meule de paille. Elle s'éveilla longtemps avant le coucher du soleil et fit le grand tour pour arriver au village de Saint-Jean à la nuit tombante. Le manoir était désert lorsqu'elle parvint au pied du tertre. Méloire avait parcouru les bourgs des environs pour publier, à son de trompe, l'édit ducal. La meute de Rieux reposait en attendant la chasse de cette nuit. Reine descendit jusqu'au village. À mesure qu'elle avançait, il lui semblait entendre un grand bruit de clameurs et de rires. Au détour d'une haie, elle vit les pommiers du verger de maître Simon le Priol s'éclairer d'une lueur rougeâtre. Elle s'approcha. La haie la protégeait contre les regards. Elle distingua bientôt, à la lumière des torches, une foule assemblée. Des paysans, des femmes et des soudards. Un archer nouait une corde à la branche du pommier qui était devant la maison de Simon le Priol. Elle s'approcha encore. Elle entendit que les soudards disaient « Voler l'escarcelle d'un chevalier, c'est bien le moins qu'on le pende !» Reine s'arrêta toute tremblante. Elle avait deviné. L'enfant qui l'avait poursuivi sur la grève allait mourir, et mourir à cause d'elle. Chapitre 18. Jeannin et Simonette. La Bretagne a regretté longtemps le pouvoir national de ses ducs. Maintenant qu'elle est française, elle aime encore à se rappeler ce temps où, placée entre deux grands royaumes, elle maintenait son indépendance à beaucoup d'épées. La Bretagne, on le sait, n'a pas été conquise. On la glissa, la noble et fière nation, comme un colifichet, dans une corbeille de mariage. Et si elle a gardé bon souvenir à sa duchesse Anne, c'est que la Bretagne n'a point de rancune. La Bretagne des ducs avait la liberté féodale. La Bretagne des rois fut opprimée par le trône et défendit le trône attaqué de toutes parts. Nous n'avons point à faire ici le panégyrique du XVe siècle en Bretagne ou ailleurs. Mais il ne faudrait pas juger une civilisation par quelques excès isolés, par quelques crimes, qui étaient des crimes alors comme aujourd'hui. Si l'on jugeait ainsi, notre Gazette des tribunaux nous vouerait tout net à la malédiction et au mépris des siècles futurs. Car les crimes pullulent parmi notre orgueilleuse lumière, autant et plus que dans les ténèbres antiques. Et des crimes d'élite, des crimes qui effraieront l'impudeur des dramaturges à venir. Nous parlons ainsi en songeant à ce pauvre petit Jeannin qui allait être bel et bien pendu par les soldats de Méloire. Tout le village de Saint-Jean était rassemblé devant la porte de Simon le Priol. La maison était fermée, elle servait de prison au petit Jeannin. Le petit Jeannin avait les mains liées, il était couché auprès des deux vaches. Keravel avait dit qu'il fallait attendre le retour de Messire Méloire, au moins jusqu'à l'heure ordinaire du couvre-feu. Guéfès n'était pas de cet avis, mais il n'avait pas voix au chapitre. Le petit Jeannin était littéralement foudroyé. Il ne bougeait non plus que s'il eût été mort déjà. Ce coup qui le frappait au milieu de son bonheur l'avait anéanti. Au dehors, on s'agitait, on parlait, les soldats riaient. Les gens du village, saisis d'effroi, n'avaient pas même l'idée de protester. Simon et sa femme se tenaient immobiles au seuil de leur maison. Tous sentaient que la disgrâce de M. Hugh de Morvert, leur seigneur, leur enlevait les moyens de résister. Derrière le compartiment de la ferme où se tenaient les bestiaux, une petite porte communiquait avec la basse-cour. Cette porte s'ouvrit doucement et Simonette entra dans la salle commune. Elle avait les yeux gros de larmes et les sanglots étouffaient sa poitrine. « Oh, pauvre petit Jeannin ! » s'écria-t-elle en tombant sur la paille auprès de lui. « Pourquoi allais-tu auprès de cette méchante fée ?» Elle lui saisit les deux mains et se prit à le regarder désespérée. « Mourir, mourir » balbutia-t-elle parmi ses larmes. « Mourir ! Oh, je ne veux pas que tu meures, Jeannin, mon petit Jeannin, je t'en prie !» Elle était comme folle. Jeannin eut pitié. « Écoute, dit-il, il faut te faire une raison, ma fille. Dans notre métier, tu sais bien, souvent on va en grève le matin, et le soir on ne revient pas. Songe donc, si tu m'avais attendu en vain, pauvre Simonette, auprès des petits-enfants orphelins, c'est alors que tu aurais eu raison de pleurer. » Il était sublime, de sérénité, simple et douce, Jeannin, qu'on accusait d'être plus poltron que les poules. Parmi les soldats qui raillaient au dehors, pas un n'eût vu d'un cœur si calme approcher sa dernière heure. Ce qui l'occupait, c'était de consoler Simonette. Mais Simonette ne pouvait pas être consolée. À travers la porte, on entendait les soldats qui disaient « Oh ça, messire Méloire tarde bien à venir. Nous faudra-t-il donc attendre pour souper qu'on ait pendu ce petit homme ?» Mes bons garçons, répondait maître Guéfès, qui était ce soir aimable et gai, m'est avis que messire Méloire aimerait autant trouver la besogne faite. Simonette s'était retenue de pleurer pour écouter. Ils vont venir, murmura-t-elle. Jeannin baissa la tête pour essuyer une larme à la dérobée. Je sais que tu es bonne, Simonette, dit-il timidement. Là-bas, aux quatre salines, il y a une pauvre vieille femme. Ta mère, Jeannin. « Ma mère, c'est vrai, et j'aurais dû penser plutôt à elle. Ma mère qui est presque aveugle et qui n'a que moi pour soutien. « Je serai sa fille !» s'écria Simonette. « Le promets-tu ? » demanda Jeannin, qui gardait un peu d'inquiétude. « Je le jure !» Le front de Jeannin se rasséréna aussitôt. « Puisque c'est comme ça, dit-il, tu iras chez nous demain matin. Tu ne diras pas tout de suite à la vieille femme, « Dame Renée, le petit Jeannin est mort, parce que ça lui donnerait un coup, et elle n'est pas forte. » Tu lui prendras les deux mains et tu commenceras ainsi. Dame Renée, c'est un métier bien dangereux que de courir les tangues. Elle arrêtera son rouet pour te regarder. Tu l'embrasseras, Simonette, et tu reprendras comme ça. Dame Renée, oh, Dame Renée !» Il s'arrêta et laissa échapper un gros soupir. Le cœur de Simonette se fendait. « Oui, poursuivit encore l'enfant, qui luttait contre le navrant de cette scène avec un courage héroïque. « Oui. Je ne sais pas, moi, Simonette, comment tu tourneras cela. Tu es plus habile que moi, pour sûr. Ce qu'il faut, c'est la ménager, car elle aime bien son petit haut. Va, et, oh mon Dieu, je voudrais bien qu'il vinsse me prendre et me tuer, car cela fait trop souffrir d'attendre. » Au dehors, les soudards causaient pour passer le temps. La fée des grèves, disait Kervoz, les laveuses de nuit, les corrigans, les femmes blanches et le reste, ce sont des mensonges, et les nigauds s'y prennent. Mensonges, mensonges, grommelait Méry, quand on a vu pourtant. Est-ce que tu as vu, toi? Sur l'échalier qui est à droite de la maison de mon père, en tréguier, répondit Méry, j'ai vu les chats courteaux tenir conseil. Ils étaient deux, un roux et un gare, blanc et noir. Le gare avait les yeux verts. Et qu'est-ce qu'il faisait sur l'échalier? Il parlait en latin, je ne les ai pas compris. » Un éclat de rire général accueillit cette réponse. « Quant aux femmes blanches, dit l'archer Couan, dans l'évêché de Vannes, d'où je suis, j'en connais par douzaines. Il y a celle du marais de Glénac, auprès de Carantoir, qui prend les chalands par les deux bouts et les fait tourner comme des toupies, jusqu'à ce qu'elle les mette au fond de l'eau. « Je n'ai jamais vu ni chat courteau ni femme blanche, » reprit un autre soldat, « mais mon oncle Renaud est mort de la peur que lui fit une lavandière à la lune. » On ne riait plus qu'à demi, parce qu'il ne faut pas parler longtemps de choses surnaturelles quand on veut que les vrais Bretons restent gaillards. Ils sont faits comme cela. Au bout de 10 minutes, ils ont froid. Au bout d'un quart d'heure, les dents claquent. Aussi aiment-ils de passion à entendre parler des choses surnaturelles. « Et les corniquets ?» poursuivit Méry. « Qui ne les a vus danser autour des croix sur la lande ?» Une fois, Méry de Poulven, mon parrain, était dans son courtil à gauler les pommes. C'était dimanche, et il avait tort. À l'heure de la fin des vêpres, un gentilhomme entra dans le courtil, par où je ne sais pas, et dit à mon parrain « Mieux vaut gauler des pommes à cidre que de braire au lutrin, mon homme, pas vrai ?»« Oh oui, tout de même !» répondit mon parrain, qui ne songeait pas à mal. Le gentilhomme, qui était un corniquet, prit une gaule et se mit à gauler des pommes avec mon parrain. Mon parrain pensait « Voilà de vrai un bon seigneur !» Les pommes tombaient par boissées. Quand tout fut tombé, le gentilhomme tendit sa perche à mon parrain, qui n'avait guère de malice au nom. Mon parrain prit la perche. Aussi vrai comme Poulven est en Ploubalais, de vers la rivière de Rance, mon parrain se sentit emporté par-dessus ses pommiers. Le gentilhomme tenait l'autre bout de la perche, il nageait dans l'air comme un poisson dans l'eau. Ce qu'il arriva, que mon parrain eut l'idée de dire à naver, et que le malin lâcha la perche en criant « Tu me brûles !» Quoi ? Mon parrain se réveilla avec une côte défoncée sur les pierres de Saint-Suliac, de l'autre côté de la Rance. Il y eut un murmure sourd parmi les soldats et les villageois qui s'étaient rapprochés pour entendre l'histoire. Mais la fée des grèves, reprit Kervoz, qui n'était déjà plus fanfaron qu'à moitié. Un Mathurin se chargea de répondre. « Il y avait des années qu'on ne l'avait pas entreperçu, » dit-il, ornant son langage à cause de la circonstance. Mais depuis quelques jours approchant, elle a reparu de par ici, car les éculées de Gruau s'en vont toutes les nuits, écuelles et tout. Un Mathurin, ayant ainsi parlé, les quatre langues des Gothons brûlèrent. « Ça c'est vrai !» s'écrièrent-elles toutes quatre à la fois. Et chacun sait bien que quand on la rencontre, en mauvais état qu'on est de péché mortel, on ne voit pas le soleil levant le lendemain matin. Parmi les soudards, il n'en avait guère qui ne fussent en mauvais état de péché mortel. Plus d'un regard furtif fouilla la nuit avec terreur. Il y eut un silence. Pendant le silence, le malaise général augmenta, mais Sire Méloir tardait trop. Les torches pâlissaient à bout de résine. L'archer Conan, ayant secoué la sienne pour en raviver la flamme, on vit une ombre noire glisser derrière le pommier où pendait déjà la harpe. Chacun écarquilla ses yeux. Quand le jet de flamme mourut, l'ombre sembla rentrer en terre. Soudards et paysans, tous frissonnèrent jusque dans la moelle de leurs os. « Allons, enfants, dit de loin Morgan, homme d'armes qui remplaçait Caravelle. « Finissons-en. Allez chercher le petit gars et mettez-lui la corde au cou, vivement. » Fin de la section 6.